Les lumières s'allument, le live démarre. Ride scale en place, prêt à faire vibrer la barre. Les viewers arrivent, l'ambiance s'élève. Chaque moment partagé, une nouvelle trêve. J'enchaîne les sons, le chat s'enflamme. Le beat tape fort, c'est pas du blabla. Chaque phrase frappe, chaque mot compte. Ride scale est là, le show est prompt. Les viewers spam, la famille grandit. Une vibe unique, jamais on s'ennuie. Le stream pulse, l'énergie explose. Dans ce live, rien ne se pose. Énergie du stream, ça bouge, ça vit. Avec Rider Skill, le flow est infini. Et basse qui déchire, voix qui s'élève. Tous ensemble, la nuit s'achève. On danse, on rit, on lâche rien. Cross sur Twitch, c'est Rider Skill qui tient. Les heures défilent, le rythme s'accélère. Le chat explose, les sourires éclairent. Un flow sincère, une vibe intense. Chaque live est une vraie danse. Les trolls passent mais on s'en fout. Rider Skill mène, ça fait tout. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque session est une trace. Énergie du stream, yeah. Ça bouge, ça vit, oh. Avec Rider Skill, oh. Le flow est infini. Haut et basse qui déchire, voix qui s'élève. La nuit s'achève, on danse, on rit, on lâche rien. On sur Twitch, c'est Rider Skill qui tient. Chaque moment compte, chaque son claque. Le live est chaud, la vibe attaque. On partage, on rit, on clash aussi. Dans ce stream, on vit la vie. Les viewers présents, la famille unie. Unie par le son, toujours à vie. Le flow monte, le beat est roi. Rider Skill mène, c'est la loi. Un souffle calme. Énergie du stream, ça bouge, ça vit, oh. Avec Rider Skill, le flow est infini, oh.